Ma storyline est déboussolée. Entre le parti et le mausolée. Parmi les parties et les muséums, je porte la silhouette désillusionnée. Je flirte avec l'anneau de JGS, mais je préfère que l'on me biaise. J'ai le bios des abusés, le cul sur le banc des amusés. You feel me, I feel like I'm losing the path. Come in story to be telling myself. You feel me, unravel the math. Summon the demons and call it a rap. Que le paso a los barases, no escapan de los balazos. No renacen de las haches, no decidieron ganarle sus lazos. Rompt le cycle du prototype, donte le microcosmopolite. On défie protagon et tigre, on flétrit sous les monolithes. Néophyte malgré le temps, génotype marqué de sang. Stéréotype manqué, écho triste masqué de cran. Couldn't find the role I was assigned, couldn't find a goal that was assigned. Till you mind I just wanted to cry, drawn in tears and catch on with the vibe. Dénudé, mise à nu, émulé. Déjà vu, épuré, écœuré, décuplé, méconnu, dénudé, mis à nu, émulé, déjà vu, épuré, écœuré, décuplé, where are you? Avec les dédales, compte les années-lumière qu'il te reste. Compte tes trophées et tes médailles. Combien vaux-tu dans les yeux du reste? Manifeste le tort, magistral et la dissonance. Je sais qu'il me reste demain, ambidextre et ma résilience. Dénudé, mis à nu.